une histoire particulière. Sa devise est Advocata Nostra Ora Pro Nobis. Ô notre médiatrice, intercède pour nous. Son blason est d'azur et représente un vaisseau équipé et habillé d'argent voguant sur une mer de sinople. Entendez, une mer de couleur verte en représentation polychrome. Le bateau est surmonté de la Vierge, aussi d'argent, les bras croisés sur la poitrine et aux voiles mouvant à sénestre, c'est-à-dire flottant vers la gauche. Elle est posée sur un nuage. De chaque côté, deux chérubins d'argent aux ailes déployées sont cantonnés, l'un en barre à dextre, à droite, et l'autre en bande à sénestre. Cette devise et ses armes sont ceux de la ville des Sables d'Olonne, qui fête en 2018 ses 800 ans. L'histoire des Sables d'Olonne est liée au monde de la mer depuis la fondation en 1218 du Havre d'Olonne par Savary Ier de Mauléon, seigneur de Mauléon, sénéchal de Poitou et prince de Talmont, sur un cordon de sable entre la Chaume et le marais d'Olonne. Pour la dernière histoire particulière de la saison, Yves Aumont et François Teste vous embarquent. C'est l'heure de l'aventure. Et quelle aventure ! Allez, tout de suite, le premier épisode. L'aventure du Golden Globe par Yves Aumont et François Teste. Aujourd'hui, en solitaire sur les mers du monde. Londres 1968. La plus grande épreuve en solitaire jamais organisée fut sans conteste la première course autour du monde créée par le Sunday Times. Les règles sont simples. Être en mer avant le 31 octobre, pas d'escale, pas d'aide extérieure, partir et arriver d'un même port situé au nord du 40e parallèle après avoir passé les trois caps. Le cap Bonne-Espérance à l'extrémité sud de l'Afrique. Le cap Lewin au sud-ouest de l'Australie. Et évidemment, le cap Horn au bout de la Terre de Feu. Au sud de ces caps, il n'y a pas de terre pour atténuer la force incroyable des vents. Cette latitude porte bien son nom, des 40e rugissants. Cette année-là, 9 marins relèvent un défi incroyable face à l'inconnu. C'est le Golden Globe, l'ancêtre des grandes courses en solitaire d'aujourd'hui. C'est aussi une victoire, un drame et un mythe pour toute une génération. Jean-Luc Vandenette, qu'est-ce que vous faisiez en 1968 ? Alors en 1968, moi j'étais à la fac de sciences à Paris. Évidemment, j'ai été au courant de la création de ce Tour du Monde parce que, en réalité, ce Tour du Monde, il est venu de Chichester. C'est-à-dire qu'en 1960, il y a eu la première transat anglaise que j'ai suivie. Il y avait Jean Lacombe, comme français, qui la faisait, sur un Cap Horn. D'ailleurs, j'ai eu un Cap Horn juste après. Et c'est un dénommé Chichester, un Anglais d'un certain âge, d'ailleurs, qui a gagné cette première transat. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient que 5. Hein. Et en 64, cette transat a été rééditée, 4 ans plus tard. Et paf, c'est un petit Français qui a gagné, qui s'appelait Eric Tabarly. Alors ça a été le début de la légende Tabarly, cette transat anglaise de 64. Et Chichester, qui est arrivé deuxième, a décidé de faire un tour du monde. Alors ça avait déjà été fait, un tour du monde. Il y avait Slocum qui en avait fait un, il avait mis plusieurs années. Il y avait Vito Dumas qui avait été plus vite. Il y avait Marcel Bardiot, il y avait un certain nombre de gens qui avaient déjà fait des tours du monde. Mais personne n'avait fait de tour du monde en s'arrêtant pratiquement pas. Et donc Chichester a décidé de faire ce tour du monde, il s'est arrêté une seule fois en Australie. Et du coup, il y a des tas de gens qui se sont dit « Bon, Chichester s'est arrêté une fois, moi je vais essayer de le faire sans m'arrêter. » Et ça a donné naissance au Sunday Times, qui s'est dit « Tiens, il y a plusieurs personnes qui aimeraient bien faire le tour du monde sans s'arrêter, et ben nous, on va organiser un événement. » Alors c'était pas une course parce qu'ils partaient quand ils voulaient. Et donc il y avait deux prix, un prix pour le premier qui reviendrait et un prix pour celui qui aurait été le plus vite. Donc et les gens partaient entre le 1er juin et le 30 octobre. « Olivier Le Carrère, qui prend le départ? Alors, ce sont des aventuriers, ce ne sont pas obligatoirement des marins. C'est ce qui est étonnant avec le Golden Globe. Ce ne sont pas des régatiers, disons, mais ce sont pour une part d'entre eux des marins. Il y a Robin Knock-Johnston est un marin de commerce qui navigue depuis une dizaine d'années sur des lignes commerciales. Nigel Tetley est un officier de la Royal Navy, Bill King aussi. Ce sont des gens qui ont l'expérience de la mer, mais qui ne sont pas des vrais coureurs. Ce n'est pas les mêmes qu'on retrouve au départ des transats. À l'opposé, il y a effectivement d'autres participants qui sont des purs aventuriers qui n'ont aucune expérience de la course. On a des gens comme Loïc Fougeron qui adore la mer, qui a déjà pas mal navigué, mais qui n'a aucune velléité de compétition. Lui, ce qu'il tente, c'est l'aventure, faire ce voyage tout seul. Il n'a aucune prétention, d'ailleurs, à être le premier ou le plus rapide. Des gens comme Bernard Moitessier, c'est plus ambigu. Lui a déjà une grosse expérience de la mer, puisqu'il a fait un demi-tour du monde d'une seule traite avec son bateau en revenant de Tahiti en Europe. Mais c'est pas un compétiteur non plus. Il passe son temps, en fait, dans les mois qui précèdent le départ, à envoyer paître les organisateurs ou à leur dire d'accord, Ça hésite un peu chez lui. Et puis, il y en a d'autres qui ne connaissent vraiment rien à la voile. Chebly part en n'ayant jamais navigué tout seul sur le bateau avec lequel il part, ni même sur un autre bateau. D'ailleurs, il n'a aucune expérience de la navigation en solitaire. Il a un principe là-dessus, c'est « je ne connais rien, mais le voyage va durer longtemps, j'aurai tout le temps d'apprendre en route ». Et puis, il y a encore un autre Anglais qui est le fameux Donald Crowhurst, dont on va beaucoup parler ensuite pour toutes sortes de raisons. Il se lance dans la construction de son bateau trop tard. Il va partir en extrême limite le 31 octobre avec un bateau qui n'est pas complètement fini. Une telle aventure est de nature à fouetter les imaginations. S'inscrivent Bill King, Alex Carozzo, Robin Knox Johnson, Nigel Tetley, Bernard Moitessier, Donald Crowhurst, Loïc Fougeron, John Ridgway et Che Blythe. Les deux appareillent le 1er juin. Knox Johnston, sur son ketch sous Haïli, prend la mer 14 jours plus tard. Fougeron et Moitessier prennent la mer le 21 août. Bill King révèle le Galway Pleasure 2. Il part le 3 septembre. À Plymouth, Tetley achève de préparer son trimaran Victrus. Il prend la mer le 16 septembre. L'Italien Carozzo part le 24 octobre. Après 3 semaines de navigation, Blight voit son pilote automatique partir en morceaux, ce qui l'oblige à abandonner. Éric Vibard, comment se déroulent les premiers jours de course? Écoutez, cette course, elle commence un peu comme toutes les navigations de navigateurs solitaires. Quand on lit un certain nombre de récits de solitaires en course ou pas en course, en général, au bout de 48 heures, il y a cette réflexion, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'a pris de m'embarquer là-dedans? Et puis, au bout d'un certain temps, le rythme se prend, le quotidien s'installe, et puis, après, les choses suivent leur cours. Mais au départ, il y a presque une sorte d'étonnement d'avoir tout quitté, surtout qu'à l'époque, on quittait la Terre sans savoir quand on allait la revoir d'une certaine manière. Certains avaient des moyens de communication, mais relativement précaires quand même pour l'époque. Certains ont vu leurs moyens de communication tomber en panne. Et donc, le lien avec la Terre, c'est certainement ce qui a le plus changé par rapport à aujourd'hui, le lien avec la Terre était extrêmement mince, extrêmement ténu. Olivier Le Carrère, le Golden Globe, c'est une magnifique machine à rêver. que vous avez suivi, j'allais dire par correspondance. Au moment où l'épreuve est annoncée dans la presse nautique française, moi j'ai 13 ans, je suis passionné de voile, je commence à en faire un petit peu, j'apprends l'annonce de ce tour du monde dans la presse nautique française au mois de juillet 68, alors que l'événement est déjà lancé en Angleterre depuis le mois de mars. Il faut repenser que certains concurrents du Golden Globe n'ont pas donné de nouvelles pendant 4 mois. On a pensé que certains étaient morts, qu'ils avaient disparu corps et biens. En termes de communication, c'est un suivi très lointain. Vous parlez de communication, comment communiquer Moët-Tessier ? Il y avait deux moyens de communication en fait. Il y avait les pavillons, qui étaient M-I-K, qui signifiait dans le code international « signaler ma position au Lloyd's de Londres ». Et puis sinon, l'autre moyen de communication, c'était d'approcher, ce qui était assez dangereux, de bateaux, de cargo ou de ports. Et là, de se munir donc d'un lance-pierre et de lancer de grosses boîtes de films, si vous voulez, avec des lettres, des rouleaux de photos, avec des messages et même des cassettes enregistrées, puisque Moët-Tessier avait un mini-cassette avec lui à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs son témoignage quasiment en direct lorsqu'il décide de ne pas rentrer et de poursuivre sa route. Ridgway s'aperçoit que son bateau est en train de se séparer en deux. Après 51 jours de mer, le 21 juillet, pour lui, la course est terminée. À peu près à cette époque, Carozzo lance un appel de détresse. Il vomit le sang, ce qui le contraint à l'abandon. Il ne reste plus en compétition que Knox Johnston, dur comme fer. Moët-Tessier, le français, en proie à son désir de communion avec l'univers. Crowhurst, l'homme aux énigmes. Et Tetley, l'épicurien, celui qui s'est emporté des huîtres et de la dinde fumée. Qu'est-ce qui vous faisait rêver, vous, Olivier Le Carrère, dans cette course ? Il faut dire qu'à l'époque, tout ce qui était bateau me faisait rêver. Et puis cette histoire de tour du monde, il y avait quelque chose de tout à fait mystérieux, parce que peut-être justement encore plus parce qu'elle était difficile à suivre et que il y avait beaucoup de choses en même temps. Cet aspect première, personne n'avait jamais fait ce genre de parcours. On se posait même des tas de questions qui paraissent incongrues aujourd'hui. On se demandait si les navigateurs n'allaient pas devenir fous à rester si longtemps sans parler à personne. Par précaution, Robin Knox Johnston avait emporté d'énormes volumes d'un cours de préparation à un concours de la marine marchande, en se disant « travailler là-dessus, ça m'aidera à ne pas perdre les pédales ». Quoi. Et je lisais beaucoup la revue Bateau, la fameuse revue Petit Format, et il se trouve que depuis plusieurs mois, avant son départ, Bernard Moët-Tessier faisait des chroniques, des articles techniques à l'intérieur de ça, donc c'était quelqu'un qui avait une façon d'écrire, de raconter ses histoires, de présenter des sujets tout à fait passionnants, et du coup, quand on a commencé à suivre sa préparation, à suivre son histoire à lui, on a vraiment envie de savoir la suite, quoi. À présent, la mer, la navigation. Tout d'abord avec vous, Pierre Salviac, puisque un Français est en train de gagner le tour du monde en solitaire à la voile, Bernard Moët-Tessier. Et cette épreuve est assez originale. Elle est organisée par un journal anglais, le Times, qui a voulu mettre sur pied, si vous voulez, une compétition pour le moins inattendue. Bernard Moët-Tessier n'était pas le seul concurrent, puisqu'ils étaient 9 au départ, et à l'heure actuelle, ils sont 4. Alors il nous a semblé qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture du salon de la navigation, il était bon d'inviter au micro de France Inter Françoise Moët-Tessier, l'épouse de ce navigateur solitaire, Françoise Moët-Tessier qui, elle-même, est navigatrice. J'ai fait avec mon mari son dernier voyage sur le même bateau avec Joshua, avec lequel il fait la course en ce moment. Nous sommes allés à Tahiti en 3 ans et nous sommes revenus d'une traite de Tahiti en Espagne. Votre mari a décidé de participer à une épreuve originale organisée par un journal anglais. Ça s'appelle le Tour du monde à la voile en solitaire. Au départ, 9 concurrents se sont inscrits, plutôt sont partis, mais maintenant il n'en reste que 4 en course. Il reste Johnson, après il y a mon mari qui maintenant se trouve au sud de la Nouvelle-Zélande, après il se trouve 2 trimarans, 2 anglais, un qui va atteindre bientôt l'Australie et un autre trimaran qui est au sud de Bonne-Espérance. Éric Vibard, Moitessier est en tête de la course. Et puis, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ? Bien, il se passe qu'il a cette fameuse formule « Je continue pour sauver mon âme », ce qui veut tout dire. C'est-à-dire qu'il décide de ne pas remonter vers l'Europe. L'Europe aux anciens parapets, aurait dit Lévi-Strauss. Et de continuer pour aller... peut-être, sans doute, plus loin à la recherche de lui-même. Pierre Salviac, un journal britannique, affirme aujourd'hui que Bernard Moitessier aurait abandonné la course autour du monde en solitaire. C'est le Daily Express, ce journal. Mais le journal de Londres ne donne pas les raisons qui auraient poussé le navigateur français à abandonner. C'est pourquoi il faut accueillir cette nouvelle avec les réserves d'usage. C'est l'opinion de Françoise Moitessier que nous avons jointe au téléphone il y a quelques minutes. Pour moi, c'est absolument impossible parce qu'on m'a pas donné de point de Bernard. Enfin, j'attends des confirmations quand j'aurai une dépêche du Lloyd ou un télégramme ou quelque chose comme d'habitude qui me fera croire que c'est vrai. Je veux bien le croire. Mais pour le moment, pour moi, ça me paraît impossible. Il surprend tout le monde, y compris sa femme. Oui, y compris sa femme, bon, qui était habituée quand même au caractère relativement inattendu du personnage, mais qui n'avait pas prévu peut-être toutes les conséquences que ça allait avoir sur leur vie de couple, en tout cas. Ça a créé un événement absolument incroyable, c'est-à-dire que le refus de Bernard Moitessier de rentrer a fait les gros titres des journaux. Et je pense qu'il faut recontextualiser cette course. Nous sommes en 1968, et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que Moitessier est un marginal qui, en fait, pour qui la course est tout à fait secondaire. C'est quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui vit avec des choses en lui qui sont assez compliquées à démêler. Et la mer l'a été une forme de thérapie, peut-être, qui fait que... Et puis, au bout d'un moment, il n'y avait plus de raison que ça s'arrête. Quand on navigue un certain temps... Il y a cette espèce d'habitude, de rythme qui fait qu'on n'a pas envie de rentrer. Et là encore, je parlais tout à l'heure des récits des navigateurs solitaires. Chez beaucoup de navigateurs solitaires, quand ils arrivent à la fin de leur croisière, de leur tour du monde par exemple, avec escale en l'occurrence, ils confient tous qu'ils n'ont aucune envie de rentrer. À bord de Joshua, Bernard Moitessier s'enregistre sur son magnétophone à cassette. Je me suis dégagé de la zone des icebergs et puis j'ai fait de l'Est. J'ai fait de l'Est pour aller aux Galapagos ou peut-être à Tahiti, je ne sais pas encore. Hein. Mais de toute façon, faites tout pour les Galapagos. Hein. C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix, où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerlé par tous ces macro-journalistes. Hein, on me foutra la paix là-bas. Vraiment, hein, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça va faire, ça fait 6 mois et demi hein, que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que c'est quelque chose. Oh, je ne sais pas si je pourrais raconter tout ça. Je ne sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors. J'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je peux pas rentrer en France. Vraiment, je peux pas. Moitessier franchit le Cap Horn. Il navigue à bonne cadence, abattant des milles dans la plus grande quiétude. Moitessier se demande pourquoi ne pas continuer une si belle aventure. Le 19 mars, il stupéfie le monde par sa décision. Au lieu de remonter l'Atlantique, il décide de repasser le cap de Bonne-Espérance, puis la Tasmanie, et boucler le tour du monde par les Galapagos. Pour sa part, Tetley pousse son bateau à la limite. Il se croit toujours menacé par Crowhurst. La nuit du 20 mai, après 256 jours de navigation, Tetley s'en va dormir sans aucune prémonition. À minuit, il se réveille en sursaut pour constater qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il a juste le temps d'envoyer un message de détresse. En tête du peloton, il n'était qu'à 20 jours de tout. D'ailleurs, il ne s'en remettra jamais. 3 ans plus tard, on le trouvera pendu dans une remise de chantier. Ils sont 9 au départ. Un seul arrivera. Qu'est-ce qui se passe ? Knock Johnston, donc, lui, va être le seul à arriver. En fait, il a des tas de problèmes en cours de route. Son bateau ne va pas très vite et est un bateau ancien qui est fatigué. Il a, à plusieurs reprises, il a des avaries qui manquent de le mettre hors course. Mais c'est Knock Johnston est quelqu'un qui a une solidité, un moral à toute épreuve et puis qui, en plus, est assez débrouillard de ses mains, donc il va à chaque fois réussir à remettre la machine en route. Il y a une anecdote extraordinaire au milieu du parcours, c'est quand en manipulant ses batteries, il se projette de l'acide dans les yeux et donc il a un œil particulièrement touché, il essaye d'arranger le truc en lavant tout ça, mais pendant un certain temps, il y a un œil avec lequel il ne peut plus rien voir du tout et il hésite à regagner, puisqu'il est au milieu de l'océan Indien, soit l'Afrique du Sud, soit l'Australie pour s'arrêter. Il est assez loin de tout et puis il se dit « mais quand même, je suis arrivé jusque-là, j'ai quand même encore une chance de boucler ce tour, peut-être même de gagner, ça vaut quand même le coup de perdre un œil ». Eric Bibard, pendant que Robin Knock Johnston aborde Falmouth, un homme est encore en mer, Donald Crowhurst. Alors Donald Crowhurst est un cas très spécifique dans l'histoire de la voile et de la course au large, puisque c'était en fait un ingénieur électronicien qui imaginait à l'époque des appareils de navigation électronique, c'est-à-dire des sondeurs, des positionneurs, etc. Sauf que Crowhurst était terriblement endetté pour réussir à boucler son budget. D'ailleurs, il est parti le dernier jour où il était encore possible de partir, puisque les concurrents avaient un laps de temps pour partir. Et il était totalement acculé financièrement et moralement aussi, et avec des pressions considérables. Quand il quitte l'Angleterre, Donald Crowhurst se rend tout de suite compte que son bateau n'est pas prêt. Il a des petits pépins de toutes sortes, des fuites d'eau dans ses coques, toutes sortes d'ennuis techniques s'accumulent, qui lui font assez vite réaliser qu'il aura beaucoup de mal à faire ce tour du monde. Et au bout d'un moment, comme il a un petit peu honte de ce démarrage si catastrophique, il prend l'habitude d'envoyer, quand il envoie des messages à terre, d'indiquer des positions qui sont un petit peu meilleures que sa position réelle. Poussé en cela par son attaché de presse, Rodney Allworth, qui lui met la pression régulièrement pour lui dire « faut me donner des nouvelles, faut que je puisse alimenter la presse, etc. Comment ça marche ?» Et Crowhurst, à un moment donné, dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire en descendant dans le premier tiers de la course en quelque sorte, a imaginé un stratagème terrible qui était d'envoyer de fausses positions et qui annonçait avoir passé Bonne-Espérance, puis être dans l'océan Indien, puis avoir passé le Cap Lewin, etc. Et à l'époque, on n'avait aucun moyen de vérification, on n'avait pas de balise Argos, on n'avait rien du tout. Donc on ne suivait les concurrents que sur la foi de leur très rare communication. Et Crowhurst n'est jamais sorti de l'Atlantique Sud. Il a même fait escale sur les côtes du Brésil dans un coin perdu. Et cette supercherie lui a pesé de plus en plus lourd sur les épaules, puisque effectivement, il pouvait gagner la course à un moment donné, mais au prix d'un mensonge absolument colossal. Cela, il ne l'a pas supporté. Et il est, étant dépressif et je pense un peu déséquilibré quand même, il a continué à tourner un peu en rond dans l'Atlantique, et dans l'Atlantique Sud, et puis il a fini par... on a conclu après, parce qu'on a retrouvé son bateau, on a retrouvé ses journaux de bord, avec des propos assez délirants, assez mystiques, qu'il confiait aux pages de son journal de bord. En fait, il y avait deux journaux de bord, il y avait le vrai journal et le journal de ses communications, et on a conclu qu'il s'était suicidé en sautant par-dessus bord. En juin, un cargo aperçoit un trimaran à la dérive à proximité des Açores. Il n'y a personne à bord. Après examen du livre de bord, on se rend compte que le bateau n'a jamais quitté l'Atlantique. Il s'agit du bateau de Donald Crowhurst. Il avait lentement basculé dans la dépression. Il avait prétendu s'être battu dans des parages aussi dangereux que les 40e rugissant. Tout cela fit vaciller son esprit. Dans la solitude complète où il se trouvait plongé, il avait tout le temps de ressasser l'état de mensonge dans lequel il vivait désormais. Il faut croire qu'il s'était donné la mort. En pénétrant dans le port de Falmouth, après 313 jours de mer, au cours desquels il avait couvert 48 000 km, Swahili offrait un spectacle inoubliable. Robin Knott Johnson est en tête. C'est un homme normal qui va faire son chemin. Oui, c'est un homme désespérément normal, et c'est quelqu'un qui, là aussi, n'était pas parti au départ pour gagner. Il était parti pour se prouver qu'il était capable de le faire. Il est allé, lui aussi, pour se dépasser. Il se trouve que les abandons successifs et les drames qu'il y a pu y avoir au cours de cette course ont fait que Robin Johnson est arrivé le premier, mais si je puis dire par défaut. The cannon has gone. The hooters, the horns, the salute. Day 312, about 25 past 3 on April the 22nd. And Robin Knox Johnson and Suhaili have sailed non-stop around the world. 22 avril 1969. Après 312 jours de mer, Robin Knox Johnson arrive à Falmouth. Il est le premier homme à effectuer un tour du monde en solitaire sans escale. 50 ans plus tard, d'autres marins vont suivre son sillon. L'aventure du Golden Globe avec Olivier Lecarrère, Éric Vibard, Jean-Luc Vandened, Archivina Christelle Rousseau, Coordination Christine Bernard, un documentaire d'Yves Aumont et François Test. Rendez-vous demain à 13h30 pour entendre la suite de la Golden Globe Race. Tout de suite, à 95 km des Sables d'Olonne, c'est en direct du Festival international du film de La Rochelle que vous attend Antoine Guillot.